بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد. Louange à Allah en cette nuit du 25 Shawwal 1441, qui correspond 16 juin 2020. Et sur les ondes de Radio Taqwa, on commence une série de cours concernant les actes du cœur, dans l'ordre où ils sont cités dans Riyad Salihin. Et en commençant par la sincérité, puis le repentir, puis la patience, puis la véracité, la vigilance, taqwa, la certitude et la confiance en Allah, la rectitude et la méditation sur la majesté d'Allah et la grandeur de l'univers. Qu'Allah nous donne la sincérité et nous comble du suivi de son messager, alayhi salatu wassalam. Nos pieux prédécesseurs, d'Allah alayhim, ont donné une grande importance au cœur et aux actes du cœur. Leurs paroles à ce niveau sont nombreuses. Beaucoup de leurs paroles sont citées, notamment dans Siyar al-Nubala, les Dahabi, et dans d'autres livres. Et avant cela, la priorité est à la parole de notre messager, alayhi salam, qui a donné au cœur et à sa purification une grande importance. Comme cela est le relaté dans le hadith de Nu'man ibn Bashir, et dans d'autres hadiths, ce hadith de Nu'man ibn Bashir qui est le 6e hadith dans les 40 Nawawi. J'a fi akhir hadith Nu'man ibn Bashir, ala wa inna fil jasadi mudghah, idha saluhat saluha al jasad kulluh, wa idha fasadat fasada al jasad kulluh, ala wa hiya al qalb. Donc dans ce hadith de Nu'man ibn Bashir, qui est un hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, à la fin de ce hadith, il y a une phrase du messager alayhi salam qui dit cela. Il y a dans le corps humain un morceau de chair. S'il est bon, tout le corps le sera. Et s'il est corrompu, tout le corps le sera. C'est le cœur. Pour Allah Azza wa Jal, cela signifie que la plaque tournante de la bonté et de la mauvaiseté de l'être humain est le cœur. D'où la nécessité pour l'être humain d'entretenir constamment son cœur jusqu'à le mettre sur le droit chemin. Et cela prouve que la corruption de l'aspect extérieur de l'homme est un indicatif de la corruption de son intérieur. Le véridique, qui n'a dit que la vérité, alayhi salatu wassalam, a dit en parlant du cœur, s'il est bon, tout le corps sera bon, et s'il est corrompu, tout le corps le sera. C'est la parole du messager, alayhi salatu wassalam. Et alayhi salatu wassalam, il n'a pas parlé de ses propres passions, ce n'est qu'une révélation qui lui a été faite. Et qu'on médite ce qu'a dit le noble cheikh, il est Rudi Cheikh, l'authentificateur, le jurisconsulte par excellence de notre siècle, Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh, dans un extrait où il fait l'interprétation de ce hadith, notamment dans les 40 Nawawi. Il dit, concernant cette phrase du messager alayhi salam, s'il est bon, tout le corps sera bon, et s'il est corrompu, tout le corps le sera. Il dit, Havidallah, le prophète a fait que la récompense dépend de la condition. Ça veut dire, si le cœur est bon, le corps le sera. Et si le cœur est corrompu, le corps le sera aussi. Et il a dit, Rahimahullah, certains savants ont comparé le cœur au roi. Si le roi est bon, la population le sera. Et s'il est mauvais, la population le sera aussi. Il a dit, Rahimahullah, ce n'est pas juste. Il dit, car le roi peut donner des ordres, il ne sera pas obéi. Mais le cœur, quand il donne ses ordres aux membres du corps, ils obéissent et s'exécutent. Et il dit, rahimahullah, si le cœur est bon, le reste du corps le sera. Et si le cœur est corrompu, le reste du corps le sera aussi. Donc, la plaque tournante du bien et de la corruption, c'est le cœur. Tout dépend du cœur. Et cela, il dit rahmatullah alayh, cela nous montre qu'il faut s'occuper du cœur plus que les autres membres du corps, car c'est la plaque tournante des œuvres et c'est l'origine des œuvres. Et c'est sur le cœur que la personne va être éprouvée le jour de la résurrection. Il sera éprouvé selon ce qu'auront fermé son cœur. قال عز وجل أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. Il est dit dans le verset dont la traduction approximative nous dit ceci, ne sait-il pas que quand sera sorti ce qu'il y a dans les tombes et que ce sera dévoilé ce qu'il y a dans les cœurs. Tout va être dévoilé à ce moment-là devant Allah Azza wa Jal. وقال عز وجل إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. La traduction approximative du sens du verset, Allah est certes capable de le ressusciter le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets. Et il a dit, rahimahullah, purifie ton cœur de l'association, purifie ton cœur des innovations et de la jalousie et de l'aversion contre les musulmans. Purifie-le, purifie ton cœur des autres mauvais comportements et des mauvaises croyances qui sont en divergence avec la législation d'Allah. Car la base et la plaque tournante des œuvres, c'est le cœur. Fin de citation, de la parole de Cheikh Al-Uthaymeen concernant le commentaire. C'est un extrait des commentaires de l'explication qu'il a fait du sixième hadith dans l'Arba'in Nawawiyya. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. Ce hadith rapporté par l'imam Muslim nous montre l'importance des cœurs et qu'il faut s'occuper à amender les cœurs et à les purifier. Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhr a dit que le messager d'Allah a dit, Allah ne regarde pas ni vos corps, ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions, vos cœurs et vos œuvres. Cela implique quoi ? Implique que nous devons réformer nos cœurs. La réforme du cœur doit précéder celle des œuvres, car toute œuvre fondée sur une mauvaise intention s'avère caduque. Il se peut que les actions d'un homme soient bonnes dans leur apparence, mais que ses intentions soient mauvaises. Cependant, il convient de considérer cet homme selon ce qui est apparent et de laisser ce qui est dans son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. L'intérieur et les cœurs, ils ne nous appartiennent pas. Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh, dans l'interprétation qu'il a fait de ce hadith dans Riyad Salihin, il dit rahmatullah alayh, Allah ne regarde pas les corps des serviteurs. Ils ne regardent pas si leurs corps sont grands ou petits, s'ils sont en bonne santé ou malades. Ils ne regardent pas si leurs aspects sont laids ou beaux. Rien de tout cela. Tout cela ne vaut rien pour Allah. Tout cela ne vaut rien pour Allah. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala, il ne prend pas en considération la descendance aussi de l'être humain. Il ne prend pas en considération la noblesse de sa descendance ou pas, comme il ne prend pas en considération la fortune des soumis. Rien de tout ça. La seule liaison entre Allah et ses créatures, c'est taqwa. C'est le fait de mettre en application les ordres d'Allah et de s'abstenir de ce qu'il a interdit. Et taqwa, son origine, c'est le cœur. Mettre en application les ordres d'Allah et s'abstenir de ce qu'il a interdit. Donc la seule liaison entre Allah et ses créatures, c'est taqwa. Celui qui préserve au mieux les droits d'Allah, il se rapproche et est honoré par Allah. Donc, ne te vante pas avec ta fortune, ni avec ta beauté, ni avec la noblesse de ta descendance, ni avec ton corps, ni avec tes enfants, ni avec tes palais, ni avec tes voitures. Ne te vante avec rien de ce bas monde. Si Allah te comble de taqwa, il te la facilite, c'est une grâce qu'Allah par laquelle, c'est une grâce pour laquelle tu dois louer Allah subhanahu wa ta'ala et être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sache que les œuvres dépendent des intentions et que les cœurs sont la plaque tournante des œuvres. Il dit rahmatullah alayh, ils sont nombreux, les personnes dont les œuvres apparaissent valides, mais ces œuvres ne sont que des ruines, car ils sont basés sur des ruines. Pourquoi ils sont des ruines? Parce que ce qu'il y a dans le cœur est mauvais, mauvaise intention. Et donc ce ne sont que des ruines, ils ne vont rien lui servir, parce qu'ils sont basés sur une ruine qui est dans le cœur. Et il a dit, rahimahullah, l'intention c'est la base. Il dit, tu vois deux hommes prier dans le même rang, derrière le même imam, et il y a entre leurs prières la distance qu'il y a entre l'est et l'ouest. Car les intentions de leur cœur sont différentes. Un, son cœur est distrait, ou peut-être il prie pour se faire voir et avoir une renommée. Il veut par sa prière ce bas monde, qu'Allah nous en préserve. Et l'autre, son cœur est présent dans la prière, et il veut avec sa prière la face d'Allah, les récompenses d'Allah, et le suivi de la sunna du messager alayhi salatu wassalam. Il dit, Habidallah, il y a entre eux, une énorme différence. Il dit donc, ce qu'il faut prendre en considération, c'est ce qu'il y a dans les cœurs. Et c'est sur le contenu du cœur qu'il y aura la rétribution le jour de la résurrection. Comme il est dit dans le verset, إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ. La traduction approximative du sens du verset, Allah est certes capable de les ressusciter le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets. Donc les comptes seront faits selon ce qu'il y a dans les cœurs, et non pas selon les apparences. Dans ce bas monde, le jugement entre les gens se fait selon les apparences. Pour la parole du messager alayhi salatu wassalam qui a dit innama aqdi binahwi ma asma'. Il a dit alayhi salatu wassalam, je juge selon ce que j'entends. Et Cheikh Al-Uthaymeen de dire, mais dans le delà, le jugement est selon ce qu'il y a dans les cœurs et ce que renferment les cœurs. Qu'Allah purifie nos intérieurs ainsi que les vôtres. Si l'intérieur est bon, attends-toi aux bonnes nouvelles, attends-toi au grand bien. Et si c'est le contraire, tu as perdu tout le bien. C'est pour ça qu'il faut s'occuper et amender nos cœurs et les purifier. Qala Azza wa Jal, أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْتِلَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. La traduction approximative du sens du verset, ne sait-il pas que quand sera sorti ce qu'il y a dans les tombes et que sera dévoilé ce qu'il y a dans les poitrines? Et donc ce qu'il y a dans les poitrines, c'est ce qui compte le jour de la résurrection. Quand on sera ressuscité, c'est ce qu'auront fermé nos poitrines qui va compter au niveau de la balance des œuvres et de la validité des œuvres et de la récompense qui en découle. Il a dit, rahimahullah, si Allah, dans son livre et son message et dans sa sunna, recommande fortement la réforme de l'intention, donc il est obligatoire à l'être humain de réformer celle-ci. Il doit amender son cœur et purifier son cœur. Et il dit, hafidhahullah, il doit regarder. S'il y a le doute dans son cœur, il doit le remplacer par la certitude. Et comment ? Cela se fera par le biais de la méditation des signes d'Allah Azza wa Jal dans cet univers. Qala Azza wa Jal, inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. La traduction approximative du sens du verset qu'il a cité, rahimahullah, nous dit ceci: certes, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Il y voit la grandeur d'Allah. Il y voit la majesté d'Allah. Wa qala azza wa jal, inna fi as-samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun li qaumin yuqinun. Et dans ce deuxième verset, la traduction approximative du sens du verset nous dit ceci: il y a certes dans les cieux et la terre des preuves pour les croyants et dans votre propre création et dans ce qu'ils disséminent et dans ce qu'ils disséminent comme animaux, et il y a des signes pour des gens qui croient avec certitude. Tous ces signes-là sont pour ceux qui ont la certitude dans leur croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, rahmatullah alayh, regarde les signes d'Allah. Quand Shaitan jette dans ton cœur le doute, regarde et observe et médite les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Médite cet univers qui le gère à la perfection. Médite comment les situations changent. Regarde et médite comment Allah alterne les jours entre les gens. Pour que tu saches que cet univers est géré à la perfection. Et que c'est Allah l'unique qui le gère, subhanahu wa ta'ala. Et il dit, rahimahullah, purifiez ton cœur de l'association. Comment purifier mon cœur de l'association? Il dit, rahmatullah alayh, je purifie mon âme en me disant que les gens ne peuvent rien pour moi. Si je les oublie Allah, ils ne me sauveront pas du châtiment d'Allah. Et si j'oublie Allah, ce n'est pas les gens qui me récompenseront. Celui qui récompense et qui châtie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si la situation est ainsi, et ça ne peut pas être, et ça ne peut être qu'ainsi, pourquoi donc donner un associé à Allah? Pourquoi tu accomplis l'adoration pour te rapprocher de la créature? C'est pour ça que celui qui se rapproche de la créature par les actes avec lesquels on doit se rapprocher d'Allah, Allah s'éloigne de lui et les créatures vont s'éloigner de lui aussi. Ça veut dire que les actes avec lesquels on doit se rapprocher d'Allah, quand on se rapproche avec des créatures, cela ne fait qu'éloigner Allah des créatures. Cela ne nous fait qu'éloigner d'Allah et de ses créatures. Allah s'éloigne de nous, ainsi que ses créatures. Car si Allah t'agrée, et qu'il est satisfait de toi, il fera que les gens t'agréeront, et qu'ils soient satisfaits de toi. Et si Allah te maudit, et il n'est pas satisfait de toi, il ne t'agrée pas, ben il fera que les gens te maudissent. Qu'Allah nous préserve de sa malédiction et de son châtiment. Il dit, rahimahullah, ô frère, L'essentiel, remédie à ton cœur. Remédie à ton cœur constamment. Lave-le, purifie-le, souvent, jusqu'à ce qu'il se purifie, comme il est dit dans le verset. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِرَ قُلُوبَهُمْ. La traduction approximative du sens du verset, voilà ceux dont Allah n'a pas voulu purifier les cœurs. Donc, la purification du cœur est quelque chose d'essentiel. Je demande à Allah de purifier mon cœur et vos cœurs, et qu'il fasse que nous soyons sincères pour lui, et dans le suivi de son messager, alayhi salam. Fin de citation, du résumé de l'interprétation de ce hadith, qui est dans Riyad Salihin, dans le premier chapitre, le chapitre de la sincérité. Donc, frère en Allah, Azza wa Jal, l'intention nouée dans le cœur est très importante. Et il est obligatoire et nécessaire dans l'accomplissement de toute action. Obligé qu'on ait une intention. Et il faut que notre intention soit bonne. Il est dit dans le verset avec lequel Nawawi rahimahullah a débuté le chapitre de la sincérité dans son célèbre livre Riyad Salihin. Qala azza wa jal, وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. La traduction approximative du sens du verset, il leur a été ordonné d'adorer Allah uniquement et de lui vouer le culte exclusivement et de s'éloigner de l'association et d'accomplir la prière et de s'acquitter de la zakat. Telle est la religion de droiture. Wa qala subhanahu wa ta'ala, lan yanala Allah luhumuha wa la dima'uha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum. La traduction approximative du sens de ce verset, ni la chair ni le sang des animaux sacrifiés pour Allah n'ont d'importance pour Allah. La seule chose qui compte pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est taqwa, c'est le fait de préserver les droits d'Allah. Le fait que vous préservez les droits d'Allah. Le fait que l'être humain préserve les droits d'Allah. Wa qala azza wa jal, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. La traduction approximative du sens du verset. Que vous cachiez ce qui est dans vos poitrines ou que vous le divulguiez, Allah le sait. Le noble cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui octroie le firdaus al-a'la, cheikh al-Taymi rahmatullah alayhi a dit, la place de l'intention c'est le cœur dans toutes les œuvres. L'intention doit être nouée dans le cœur. Il n'a aucune place sur la langue, et dans la langue, il ne se prononce pas. C'est pour ça que celui qui prononce l'intention au moment de la prière, ou au moment de l'odo, ou du pèlerinage, ou autre œuvre, c'est un innovateur qui dit dans la religion d'Allah ce qui n'en fait pas partie. Et il dit, rahmatullah alayh, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions, priait, donnait l'aumône, jeûnait, faisait le pèlerinage, mais il n'a jamais annoncé l'intention. Car la place de l'intention, c'est le cœur. Il dit, rahmatullah alayh, Allah azza wa jal, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Rien n'est caché à Allah, comme dans le verset cité auparavant. Que vous cachiez ce qui est dans vos poitrines, ou que vous le divulguiez, Allah le sait. Il dit, rahmatullah alayh, il est obligatoire pour l'être d'être sincère dans ses adorations et que son intention dans l'adoration doit être uniquement pour Allah et le delà. Et c'est ce qu'Allah a ordonné. Comme dans Surat al-Bayyina, le verset qui a été cité auparavant, il leur a été ordonné d'adorer Allah uniquement et de lui vouer le culte exclusivement, loin de toute forme d'association, et d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, et ça c'est la religion de droiture. Donc les cœurs doivent être accomplis sincèrement pour Allah. Les cœurs doivent être remplis de sincérité pour Allah. Donc les œuvres doivent être accomplies sincèrement pour Allah et les cœurs remplis de sincérité pour Allah. Il dit, Habibullah rahimahullah, et on doit avoir présent à l'esprit l'intention de tous les actes d'adoration. Par exemple, il noue l'intention de l'odo et que l'odo il le fait pour Allah et qu'il le fait par soumission à Allah. Il dit ce sont trois choses, l'intention de l'adoration pour Allah, et que cette adoration doit être pour Allah, et il doit l'accomplir par soumission à Allah. Il dit ça, rahmatullah alayh, il dit ça, c'est la façon la plus complète dans l'intention pour la prière et pour toutes les autres adorations. Mais, frère Allah Azza wa Jal, le fait, l'intention est quelque chose de simple. Il ne faut pas que on tombe sous les influences, les insufflations du shaitan. Par exemple, tu te réveilles le matin et tu vas dans la salle de bain pour faire le dos. Déjà l'intention, tu as déjà ton intention, aller vers le but, vers le robinet pour faire tes ablutions. Et dans ces cas-là, pour que cette intention soit complète, tu te présentes que cet acte tu le fais par soumission à Allah et que tu le voues pour Allah exclusivement. Et comme il a dit Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh, c'est la façon la plus complète dans l'intention concernant tous les actes d'adoration. Et Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah a dit, l'auteur Nawawi rahimahullah a cité certains versets qui prouvent que l'intention est dans le cœur et qu'Allah sait l'intention du serviteur. Il dit rahmatullah alayh, il se peut que le serviteur fasse un acte qui apparaît aux gens être un bon acte, alors que c'est le contraire, c'est un acte qui a été corrompu par l'intention et seul Allah sait ce qu'il y a dans les cœurs. Il dit rahimahullah, le jour de la résurrection, l'être humain sera rétribué selon ce qu'il y a dans son cœur. Donc nous devons faire très attention à cela. قال عز وجل إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. La traduction approximative du sens du verset, Allah est certes capable de le ressusciter le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets. Donc, le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets, il n'aura, ce jour-là, la personne n'aura ni force ni souteneur. Il sera devant ses œuvres. C'est le jour de l'épreuve de ce que renferment les cœurs et de ce qui a été renfermé dans le cœur dans ce bas monde et sur quoi ils étaient renfermés et qu'est-ce qu'ils contenaient. قال عز وجل أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. La traduction approximative du sens du verset, ne sait-il pas que quand sera sorti ce qu'il y a dans les tombes, c'est-à-dire le jour de la résurrection, et que sera dévoilé ce qu'on referme les cœurs, les poitrines, leur Seigneur est parfaitement connaisseur. Allah subhanahu wa ta'ala sait tout. Azza wa Jal. Il dit rahmatullah alayh. Donc, Cheikh Al-Uthaymeen dit donc, dans l'au-delà, il y aura les récompenses et le châtiment selon ce que refermaient les cœurs. Dans ce bas monde, ce qui est pris en considération, c'est l'apparence. On se comporte avec les gens selon leur apparence. Si cette apparence concorde avec un intérieur amendé, purifié, cette apparence sera bonne et amendée dans le bon sens. Et si ce n'est pas le cas, si le cœur referme une mauvaise intention, la perte est immense pour l'être humain, malgré ce qu'il fait apparaître. Parce que dans ce bas monde, les gens prennent les autres pour dans leur apparence. Mais Allah sait ce qu'il y a dans l'intérieur, sait ce qu'il y a dans les cœurs. Et c'est ça, et c'est ce qui fait la validité ou la non-validité des œuvres et les récompenses qui en découlent ou le châtiment. L'être humain œuvre, prodigue des efforts, se fatigue dans les œuvres, il n'obtiendra rien. Avec dans le delà, si le cœur est mauvais, s'il y a des mauvaises intentions dans le cœur, hein? Si le cœur n'est pas amendé, c'est la base de ses œuvres et de ses efforts et de cette fatigue n'est pas une bonne intention pour Allah, ben, la personne n'obtiendra rien le jour de la résurrection. Et c'est plutôt la perte de la personne ce jour-là. Comme il est rapporté dans le hadith authentique, قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Donc ce hadith authentique, Allah a dit, je n'ai pas besoin d'associer celui qui m'associe dans son œuvre avec autrui, je le délaisse avec son associé. Hein? Donc nous devons faire très attention à l'ostentation, à la recherche de la réputation, et ainsi de suite. Nous devons faire très attention à la sincérité. Et qu'on sache que Shaitan vient vers nous au moment où on veut accomplir un bien ou une bonne œuvre. Et il dit, tu fais ce bien par ostentation. Et il veut par là, il vient par là détruire ta volonté et ton aspiration vers le bien. Mais sois éveillé à l'islam, ne lui prête pas attention, œuvre. Cheikh il dit, ne lui prête pas attention, œuvre. Car si on te pose la question à ce moment où tu es sur le point d'entreprendre une bonne action, est-ce que tu œuvres par ostentation pour rechercher la réputation? Tu diras non. Donc c'est insufflation de Shaitan qu'il a émise dans ton cœur, ne lui prête pas attention. Dégage-la. Et œuvre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Fin de citation des paroles de Cheikh Rahmatullah alayh dans Riyad Salihin. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons amender nos cœurs, purifier nos cœurs, et nous devons nous occuper de voir pour qui nous faisons nos œuvres. Écoutons ce que dit notre messager alayhi salatu wassalam concernant les œuvres. An Amir al-Mu'minin, Abi Hafs, Umar ibn al-Khattab, ibn Nufayl, ibn al-Uzza, ibn Riyah, ibn Abdullah, ibn Qurd, ibn Razah, ibn Adi, ibn Ka'b, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, al-Qurashi, al-Adawi, radiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. Donc النووي رحمه الله dans le premier chapitre, le premier chapitre de son recueil Riyad Salihin, il commence avec ce hadith du prince des croyants, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa arda, qui dit, Omar ibn al-Khattab a dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire, certes, la validité des actes dépend des intentions, La validité des actes dépend des intentions qui les animent et chaque être n'aura que ce qui est conforme à son intention. Celui qui immigre pour Allah et son messager, son immigration lui sera comptée comme étant pour Allah et son messager. Quant à celui qui immigre pour un bien de ce bas monde ou pour épouser une femme, son immigration lui sera comptée comme telle. Le hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Le noble cheikh, cheikh Al-Uthaymeen, rahmatullah alayhi, a dit, vu que ce chapitre concerne la sincérité et que l'intention doit être sincère pour Allah dans toute parole et tout acte, et dans toutes les situations, Nawawi, rahimahullah, a cité certains versets et certains hadiths concernant la sincérité. Et il dit, rahimahullah, il a commencé par le hadith d'Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Certes, la validité des actes dépend des intentions qui les animent et chaque être n'aura que ce qui est conforme à son intention. Il dit, rahimahullah, les savants ont divergé concernant ces deux phrases. C'est-à-dire, certes, la validité des actes dépend des intentions qui les animent et chaque être n'aura que ce qui est conforme à son intention. Donc la première phrase, c'est « Certes, la validité des actes dépend des intentions qui les animent. » La deuxième, « Et chaque être n'aura que ce qui est conforme à son intention. » Il dit, rahmatullah, allez, les savants ont divergé concernant ces deux phrases. Certains ont dit la deuxième phrase n'est que la confirmation de la première. Mais il dit, rahimahullah, ceci n'est pas vrai, ceci n'est pas bon, car il dit quand on médite les deux phrases, on voit bien qu'il y a une grande différence entre les deux phrases. La première phrase, c'est la cause. Et la deuxième phrase, c'est le résultat de cette cause. Il dit la première phrase, c'est la cause. Le prophète montre que chaque acte a besoin d'une intention. Chaque acte que la personne accomplit en ayant sa raison, en ayant le choix, il est obligatoire qu'il soit accompli avec une intention. Et c'est impossible qu'une personne qui a le choix, qui a sa raison, fasse un acte sans intention. Il dit, rahimahullah, certains savants ont dit, si Allah nous a imposé de faire des œuvres sans l'intention, ça aurait été impossible. Ça aurait été du domaine de l'imposition de l'impossible. Il dit, rahimahullah, et cela est vrai. Comment tu peux faire quelque chose en étant sain d'esprit, de ton plein gré, sans être contraint, sans l'intention? Et ceci est impossible. Car l'œuvre découle d'une volonté et d'une capacité, et la volonté, c'est l'intention. Il dit donc, la signification de la première phrase, c'est que tout acte se fait avec une intention. Il dit, mais les intentions sont différentes. Hein? Une différence énorme. Comme est loin, hein? Le ciel de la terre. Il dit, il y a des gens dont l'intention est très élevée. Et d'autres, leur intention est dans le fin fond des poubelles. Il dit, rahimahullah, au point que tu vois deux hommes accomplir la même œuvre. Et ils la débutent au même moment. Et ils la terminent au même moment. Ils font les mêmes gestes, les mêmes paroles, les mêmes mouvements. Il dit la différence entre eux, c'est la différence qui sépare le ciel de la terre. Il dit tout ceci à cause de la différence de leurs intentions. Tout ceci émane de quoi? De l'intention. Il dit donc, à la base, toute œuvre s'accomplit avec une intention. Obligé que l'œuvre soit accomplie sur une intention. Parce que la personne a une volonté. Donc, l'intention va être bonne ou mauvaise selon ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Il dit, rahimahullah, le résultat de la parole du messager, alayhi salatu wa salam, وإنما لكل امرئ ما نوى. Et chaque être n'aura que ce qui est conforme à son intention, c'est-à-dire que chaque être sera rétribué selon son intention. Il dit, rahimahullah, si tu veux l'au-delà, les récompenses d'Allah, et que tu cherches par tes œuvres, légiférer l'agrément d'Allah, tu l'auras. Et si tu veux avec tes œuvres ce bas monde, tu peux l'avoir comme tu peux ne pas l'avoir. Il dit, rahimahullah, comme il est stipulé dans le verset, « Man kana yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid » La traduction approximative du sens du verset, « Quiconque désire la vie immédiate, nous nous hâtons de donner ce que nous voulons à qui nous voulons. » Mais dites bien, nous nous hâtons de donner ce que nous voulons, c'est-à-dire ce que veut Allah, à qui nous voulons, à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Il dit, rahmatullah alayhi, il n'a pas dit, nous lui hâtons ce qu'il veut. Nous lui hâtons de lui donner ce qu'il veut. Mais il a dit, nous nous hâtons de donner ce que nous voulons à qui nous voulons. Et non pas ce qu'il veut. Donc, il dit, rahmatullah alayhi, il ne sera pas donné à tous ce qu'il demande. Il dit, ce qui va être raté est conditionné, comme il est conditionné celui pour qui il va être raté. Ce qui va être raté à la personne est conditionné, comme il est conditionné la chose, comme il est conditionné celui pour lequel il va être raté. Donc il y a des gens à qui sera donné ce qu'ils veulent dans ce bas monde, et d'autres à qui il ne sera rien donné. Et ceux à qui il sera donné un peu de ce qu'ils veulent. Il dit, ça c'est le sens du verset, « Ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid ». C'est le sens du verset, dans la traduction approximative, nous dit ceci, « Nous nous hâtons de donner ce que nous voulons à qui nous voulons. » Hein? Il n'y aura que ce que veut Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit, rahimahullah, « Quant à ceux qui veulent le delà, ils auront les récompenses de leurs œuvres dans l'au-delà. Quant à ceux qui veulent l'au-delà, ils ont l'assurance d'avoir les récompenses de leurs œuvres dans l'au-delà. S'ils sont accomplis dans la sincérité et dans le suivi. قال عز وجل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, quant à ceux qui cherchent l'au-delà, ils fournissent les efforts qui y mènent en étant croyants, ceux-là, leurs efforts seront reconnus, ils seront récompensés pour leurs efforts. Il dit, rahimahullah, la parole du messager, alayhi salatu wassalam, la validité des actes dépend des intentions. Il dit ça, c'est le baromètre de toute œuvre. Et c'est un baromètre intérieur. C'est un baromètre intérieur, c'est-à-dire, c'est selon ce qu'il y a dans le cœur. Sur quoi est noué le cœur? C'est quoi l'intention avec laquelle a été accompli l'acte? Et regarde bien sur le point sur lequel il a attiré notre attention. Celui qui œuvre pour ce bas monde, il l'aura ou il l'aura pas, ou il aura peu de ce qu'il veut. Mais celui qui œuvre et dont l'intention avec ses œuvres, il veut l'au-delà, il est sûr de l'avoir, d'avoir sa récompense, et plus que ce qu'il a fait. Et il dit, rahimahullah, la parole du messager, alayhi salatu wassalam, la validité des actes dépend des intentions. Ça, c'est le baromètre de toute œuvre, et c'est un baromètre intérieur, c'est-à-dire il concerne les actes intérieurs au cœur. Il dit dans la parole du messager alayhi salatu wassalam, rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, le hadith de Aisha radiyallahu anha, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Il dit, celui qui œuvre une œuvre qui n'est pas dans notre ordre, il lui sera rejeté. Ça, c'est le baromètre apparent. C'est le baromètre apparent. L'acte n'est pas fait selon la sunna. Ben, il est rejeté. Et ça, c'est quelque chose qui est visible. prophète a dit, priez comme vous m'avez prié. Celui qui fait le dos comme je le fais. Donc la personne qui est en divergence avec la sunna, son œuvre est, il lui manque la condition pour qu'il soit accepté. Donc si la parole de, certes les actes ne valent que par leurs intentions, c'est le baromètre intérieur, la parole de, du messager alayhi salam, hein, celui qui œuvre une œuvre qui n'est pas dans notre ordre, lui sera rejeté, c'est le baromètre extérieur. Et les savants ont dit ces deux hadiths réunissent la religion entière. La religion entière, c'est quoi? Ce sont les actes du cœur et les actes qu'on fait avec nos membres. Et ces actes doivent être accomplis dans la sincérité et dans le suivi du messager alayhi salam. Fin de citation de ce qui est voulu dans la, les paroles de Cheikh Al-Uthaymeen concernant ce hadith. Et je vais terminer avec certaines paroles, certains nombres de sciences relatées dans Siyar Alam Nubala du Dahabi. Abdelrahman ibn Mahdi, l'un des cheikhs de l'imam Bukhari, rahimahullah, a dit, écoutez bien, comment ils avaient peur pour leur cœur et comment ils demandaient conseil aux autres. Abdelrahman ibn Mahdi a dit, je tenais une assise le vendredi, c'est-à-dire une assise d'enseignement, il enseignait, rahimahullah ta'ala. Et quand je vois qu'il y a beaucoup de monde dans l'assise, je m'en réjouis. Et s'ils ne sont pas nombreux, hein, ça m'attriste. Quand il y a beaucoup de monde, il trouve une certaine joie dans son cœur. Et quand il y a peu de monde, il se sent un peu triste dans son cœur. Et il a dit, rahimahullah, et j'ai interrogé Bishr ibn Mansour, et je lui ai expliqué la situation et les sensations que j'ai, et il m'a dit, ça c'est une mauvaise assise, délaisse-la. Ça c'est une mauvaise assise, délaisse-la. Et Abdelrahman ibn Mahdi, je l'ai délaissé. Méditez, barakallahu fikoum, comment ils avaient peur pour eux-mêmes, comment ils avaient peur pour les sensations, ils avaient peur des sensations qu'ils ont dans leur cœur. Parce que la fin, la rétribution, les comptes, les preuves, le jour de la rétribution, c'est ce qu'il y a dans le cœur, ce que refermaient les cœurs. Saïd ibn al-Haddad, Cheikh al-Malikiya rahimahullah, a dit, comme il est relaté dans Siyar Alam Nubala, cherchez les éloges et l'élévation des tournes d'Allah. Regardez, cherchez les éloges et vouloir l'élévation. Et tout ceci, c'est quelque chose, ce sont des sentiments dans le cœur et dans l'intérieur. Et dit ceci, détourne d'Allah. C'est-à-dire la personne va chercher la réputation, l'ostentation. Et donc, ça va l'amener vers quoi? Vers le fait de plaire aux gens pour être élevé à leurs yeux. Il pourra avoir une place au milieu d'eux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ahmed ibn Asim, l'Antaki a dit, quand les œuvres sont accomplies avec le cœur, les membres du corps se trouvent dans le repos et dans l'apaisement. C'est-à-dire, quand les actes sont accomplis avec une bonne intention et qu'on cherche avec la face d'Allah et le delà, les membres du corps seront apaisés, seront reposés. Regardez ces paroles de nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Le Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, a dit, délaisser les œuvres pour les gens, c'est de l'ostentation. Et œuvrer pour les gens, c'est l'association. La sincérité, c'est qu'Allah t'épargne les deux. C'est-à-dire, c'est que tu fasses des œuvres sincères pour Allah. Délaisser, les œuvres parce que les gens te voient ou quelque chose comme ça, c'est une forme de tentation. Et œuvrer pour les gens, et pour avoir une place au milieu des gens, et pour être élevé par les gens, c'est l'association. Et la sincérité, c'est qu'Allah t'épargne les deux. Face à Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والاتباع ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا